Chapitre 135. La recommandation de saluer sa famille en rentrant chez soi. Allah Ta'ala dit: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. Sourate 24, verset 61. 861. Selon Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: Mon enfant, quand tu rentres chez toi, salue ta famille, car c'est une bénédiction pour toi et pour ta famille. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan Sahih.